Lucas est un pur produit de l'Aude. Ostréiculteur à Leucate, vous découvrirez qu'il est tout particulièrement sensible à la protection du parc naturel marin et avec lui, vous apprendrez à mieux préserver le littoral. Grâce à Lucas, les huîtres et les espèces marines ont de beaux jours devant elles. Lucas vous dévoile ses meilleures expériences à vivre dans l'Aude sur audetourisme.com. La science CQFD, Natacha Triou. C'est l'un des plus grands événements scientifiques de 2023. Vendredi dernier, la sonde JUICE a décollé à bord d'une fusée Ariane 5. Pourquoi cette mission est un défi à multiples dimensions. La sonde de l'Agence spatiale européenne est en route pour explorer Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire et trois de ses lunes glacées, Ganymède, Europe et Callisto. Elles cacheraient sous leur croûte d'immenses océans souterrains. En quoi cette mission est une prouesse inédite, avec des performances jamais égalées, et y trouvera-t-on des conditions favorables à l'apparition de la vie ? Cap vers le système jovien. JUICE, décrocher les lunes. Bonjour Athéna Koustenis. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, directrice de recherche CNRS au LESIA de l'Observatoire de Paris PSL, présidente du conseil scientifique consultatif sur l'exploration et le vol spatial de l'ESA. Nous sommes également en ligne avec Francis Rocard. Bonjour. Ah, Francis Rocard. Ah, bonjour. Un gros délai entre vous et nous. Vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Et avec nous également, Antoine Meunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans le spatial, rédacteur en chef du site La Chronique Spatiale et l'auteur de plusieurs papiers parus dans la revue Ciel et Espace. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet où vous retrouverez en toute transparence toutes nos sources et dès maintenant à Science CQFD et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des enjeux et des difficultés scientifiques de cette mission, de pourquoi JUICE, technologiquement, est une mission des premières fois et qu'est-ce que l'on espère découvrir à plus de 600 millions de kilomètres. C'est parti. À tous les vidéos, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain, allumage EAP, décollage. La propulsion est nominale. Voilà, le 14 avril à Kourou, en Guyane française, la sonde JUICE s'envole. Athéna Koustenis, vous êtes impliquée dans la mission JUICE depuis ses débuts. Pour vous, c'est un peu l'aventure d'une vie. C'était comment ce 14 avril ? La propulsion est nominale. La trajectoire est nominale. Athéna Koustenis, est-ce que vous nous recevez ? Oui. Ah, vous êtes là. Oui, alors ce décollage, c'était un peu une mission cathédrale, la mission JUICE. C'est extraordinaire. On y était avec Francis et moi, je suis rentrée ce matin et j'ai encore les yeux qui brillent, si vous pouviez me voir. Je suis encore sur mon petit nuage, plusieurs nuages qu'on a traversés avec cette fusée. Ça a été un des lancements les plus extraordinaires que j'ai fait. J'en ai fait 4 jusqu'à aujourd'hui et c'était génial, c'était parfait parce que on a suivi exactement la trajectoire comme il le fallait. Après le décollage, bien sûr, on a suivi le largage des boosters, le largage de la coiffe, après la séparation de l'étage principal, l'allumage de l'étage supérieur et tout ça, ça s'est tellement bien passé que c'est incroyable. C'était un moment magique. Francis Rocard, vous aussi, vous y étiez. Oui, et effectivement, on a eu un peu peur lors du rouge météo du 13 avril, et ce qui a fallu de le report du 24 heures. Mais le lendemain, finalement, la météo était bien plus clémente. Il n'y avait pas d'orage, il n'y avait pas de vent en altitude, et la fusée est partie pile poil à l'heure. C'était superbe. Antoine Meunier, vous aussi, vous étiez en Allemagne au centre de contrôle de la mission Indelà, d'où sont suivies toutes les missions de l'ESA. Racontez-nous. Absolument, absolument. Moi, je suis arrivé dès jeudi, et pour reprendre ce que vient de dire Francis Roca, ça a été un peu la douche froide, hein, finalement. On était à moins de 10 minutes du décollage. Et là, rouge météo, risque d'orage sur Kourou, donc on ne prend pas de risque, on interrompt les opérations et on reporte de 24 heures. Et le lendemain à Darmstadt, bien évidemment, on guettait avec impatience la météo, que les conditions soient bonnes. Et là, les gens ont commencé à se détendre vraiment au moment du décollage. Moi, je me tenais à côté d'Olivier Vitas, qui est le responsable scientifique de la mission JUICE à l'ESA. Et ces deux mots, ça a été, au moment où la fusée a décollé, ça a été « c'est génial ». Il avait un sourire qui était vraiment communicatif. Il s'est quand même... Enfin, les gens se sont bien détendus une fois qu'on a eu la confirmation que les panneaux solaires de JUICE étaient correctement déployés. Oui, c'est que là, JUICE se porte bien à Ténakoustenis. La sonde vient de déployer ses panneaux solaires. Tout est OK et tout est ouvert. Oui, tout à fait. Comme vous venez de l'entendre, nous, on a dû faire le trajet en bus deux fois jusqu'au site du lancement. La première fois, je dois avouer qu'en rentrant, effectivement, c'était pas super. L'ambiance était un petit peu à l'inquiétude. Mais le lendemain, dès le matin, il y avait un beau ciel, comme le disait Francis. Et puis, sur le trajet, on est arrivé sur place. On avait tous le cœur qui battait. Très fort, mais effectivement, parce que la veille, ça s'était arrêté le décompte à 8 minutes, en fait, du décollage. Mais tout s'est bien passé. Après, on a suivi pendant plus d'une demi-heure les écrans pour voir si la trajectoire était nominale, si tout se passait bien, dû effectivement de l'allumage jusqu'au déploiement des panneaux solaires. Et tout a été parfait à la fin et je suis vraiment très heureuse. Parce que c'est une mission sur laquelle je travaille depuis 13 ans. Et donc, c'est quelque chose quand même quand on voit son bébé, quelque sorte, partir dans l'espace comme ça tout seul. Et c'est une mission sur laquelle vous travaillez depuis 13 ans, puis c'est une mission qui va durer 12, 13 années encore. Je trouve ça toujours assez émouvant, hein, les lancements de missions comme celle-ci à Ténakoustenis. Vous pouvez peut-être nous dire, hein, quelles sont, là pour faire des présentations générales, hein, quelles sont les questions centrales de cette mission? Oui, tout à fait. C'est une mission qui va durer comme un petit peu la mission Cassini-Huygens, hein, que personne n'oublie, sur laquelle aussi j'avais travaillé dès le départ. Là, c'est une mission qui va prendre quand même 7 ans et demi, 8 ans pour arriver sur place. Et après, on a 3 ans de mission nominale, mais on sait par expérience que ça va durer beaucoup plus longtemps que ça. Donc, effectivement, on a un long trajet, mais aussi une longue exploitation derrière. Et puis, bien entendu, ça nous fait plaisir de retourner dans le système solaire externe. C'est une partie de notre système solaire qu'on connaît vraiment pas très bien. C'est une partie du système solaire qui a été très, très peu explorée par les missions Voyager et aussi la mission Galileo. Dans les années 90, on a actuellement la mission Juno sur place qui est en train d'étudier Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, une planète qui réserve encore beaucoup de surprises parce que elle a des caractéristiques qu'on n'arrive pas toujours très bien à expliquer au jour d'aujourd'hui par son atmosphère, par sa météorologie, la dynamique, sa magnétosphère aussi, qui est l'objet le plus gros de notre système solaire. Si on pouvait l'avoir, ce serait l'objet le plus étendu dans le système solaire. Mais nous, on est intéressés par les satellites pour voir un petit peu les conditions nécessaires à la formation des planètes et aussi de l'émergence de la vie sur ces satellites qu'on appelle galiléens, Callisto, Europe et surtout Ganymède, le plus gros satellite du système solaire. Francis Roca, je me tourne vers vous pour continuer cette description, faire un rapide portrait du système jovien et de ces lunes galiléennes, découvertes en 1610 par Galilée. Ben écoutez, oui, 4 lunes découvertes par Galilée en 1610. La plus proche, c'est Io. C'est une lune hyperactive, 400 volcans en activité. C'est unique dans le système solaire, mais c'est pas l'objectif central de la mission JUICE, qui va se focaliser sur Ganymède, Europe et Callisto. trois lunes glacées dont on a de fortes indications que ces trois lunes possèdent un océan liquide sous une couche de glace. Et partout où il y a de l'eau liquide, on peut penser que la vie est possible. Et donc, Juice va essayer de démontrer que l'habitabilité de ces lunes est possible. Ça nécessite l'eau liquide, une confirmation à faire. Ça nécessite la présence de matière organique. C'est ce que Juice va regarder, notamment à travers l'instrument français MAGIS. Ça nécessite une source d'énergie pour que les potentiels de bactéries puissent se nourrir. Et ça nécessite la longue durée de vie. Mais là, 4,5 milliards d'années, cette condition est déjà remplie. C'est ces deux conditions qui vont être étudiées par Juice. Antoine Meunier, c'est bien, Juice, c'est bien cette mission spatiale qui est une mission spatiale presque exclusivement européenne aussi, c'est ce qu'il faut dire. Alors, ce qu'on peut dire sur Juice, c'est que c'est un vaisseau qui est assemblé par Airbus Industrie à Toulouse, mais c'est une mission internationale. Avant tout, vous avez 11 instruments à bord, il y a 3 instruments italiens, il y a 2 instruments suédois, 2 allemands, l'instrument français MAGIS que vient de citer Francis Rocard, un instrument de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, et les USA sont présents à bord de Juice, notamment la NASA fournit l'instrument UVS, c'est un spectrographe dans l'ultraviolet, qui est donc installé sur Juice. Et il y a également aussi une contribution de la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise, et une autre contribution l'agence spatiale israélienne. Voilà, mais quand même avec l'ESA qui porte, yes, mais qui c'est porte l'ESA, à 90%. Mais c'est l'ESA, qui est vraiment qui a la maîtrise complète de la mission, absolument. Voilà, la première sonde européenne à destination des planètes externes du système solaire, Athena Koustenis. On commence là une longue route sinueuse vers Jupiter, une route de plus de 7 ans, on l'a dit. Pourquoi la sonde ne va pas aller en ligne droite jusqu'au système jovien? Oui, on va pas en ligne droite parce que tout ce qu'on porte, il faut quand même quelque part qu'on trouve l'énergie pour l'amener jusqu'à Jupiter grâce aux assistances gravitationnelles en passant effectivement 3 fois par la Terre. D'ailleurs, une fois par le système Terre-Lune, ça sera la première fois qu'on fait ce passage. Et puis une fois par Vénus et avant d'y arriver, donc comme ça effectivement on va pas en ligne directe. Mais je voulais revenir sur votre question très pertinente, Natacha, parce que moi je voudrais quand même faire un petit cocorico européen. C'est-à-dire qu'en Europe on arrive quand même à faire des choses assez extraordinaires avec un budget qui est de 7 à 10 fois moindre que celui de la NASA. L'ESA arrive à faire des choses extraordinaires. Il ne faut pas oublier qu'on a été les premiers à atterrir sur Titan, qui est toujours, au jour d'aujourd'hui, la machine la plus lointaine qu'on a pu poser dans le système solaire. On a atterri sur un astéroïde, comète avec Rosetta Philae. Et là, ça va être la première fois qu'on va mettre un vaisseau spatial en orbite autour d'une Lune. Ça n'a jamais été fait auparavant par aucune agence. Donc, je pense que quand même, ça mérite d'être signalé qu'on fait des choses assez extraordinaires en Europe. Antoine Meunier, vous souhaitiez réagir? Oui, non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Athéna. C'est du même niveau que la mission Rosetta. Pour la première fois, l'Europe mène une mission avec des niveaux budgétaires qui sont quand même moindres que ceux des États-Unis. Mais ce que je voulais dire sur l'aspect purement technique de la chose, là, effectivement, on est obligé d'utiliser le rebond planétaire en passant par le système Terre-Lune, en repassant ensuite par Vénus, puis encore 2 fois par la Terre. Mais on peut le faire, des petits engins peuvent atteindre Jupiter d'un seul trait. Les Voyager et les Pioneer l'ont fait, mais c'était des petits engins qui bénéficiaient d'une forte impulsion de départ. Et l'assistance gravitationnelle, on peut se représenter ça comme l'élan que l'on donne. C'est une fronde, c'est un effet de fronde, tout simplement. Francis Rocard. Oui, concernant cette première mondiale qui est le survol de Lune-Terre, il faut préciser que c'est des calculs effectués par un scientifique français, Yves Langevin, à l'Institut d'astrophysique spatiale, qui a proposé cette idée à l'Agence spatiale européenne et après vérification poussée, finalement, ce schéma a été retenu par l'agence. Et donc, c'est tout à l'honneur d'Yves Langevin, parce que sinon, on aurait été lancé plusieurs mois plus tard. Athéna Koustanis, quelles vont être les grandes étapes successives de cette sonde? Quel est son parcours de croisière? Comme on l'a dit, il y aura plusieurs assistances gravitationnelles pour arriver jusqu'à Jupiter. Mais je voulais dire quand même quelque part que cette mission est aussi une mission de sauvetage, parce que c'était une mission qui, à l'origine, devait se faire avec la NASA. C'est une mission qui s'appelait IGSM jusqu'en 2010, qui avait été une étude conjointe ESA-NASA, et que finalement la NASA s'est aperçue que, pour les raisons qu'expliquait Francis tout à l'heure, on ne pouvait pas aller se mettre en orbite autour d'Europe, qui est un autre satellite extrêmement intéressant dans le système de Jupiter, parce que sur Europe, nous avons vu déjà des traces de l'existence de cet océan d'eau liquide qui se manifeste géologiquement au niveau de la surface, avec des crevasses et d'autres indications de déplacement de la surface glacée, comme on trouve sur Terre dans l'Antarctique. Et finalement, la NASA donc s'est retirée de ce projet conjoint pour faire, au jour d'aujourd'hui, la mission Europa Clipper, qui est une autre mission qui va arriver dans le système de Jupiter. Mais ces deux missions risquent de se retrouver au même endroit, au moment, c'est-à-dire au début des années 2030, parce que là, NASA va utiliser une fusée beaucoup plus plus puissante, la Falcon Heavy de SpaceX. Donc, elle va aller un peu plus rapidement sur place. Mais nous, on aura l'avantage de profiter du voyage jusqu'à Jupiter, ayant lancé avec une des dernières Ariane 5. Il faut le mentionner aussi avant le passage en Ariane 6. Et donc, je pense qu'effectivement, ça sera assez extraordinaire de retrouver les deux missions sur place dans le système Jupiter, étudiant les satellites galiléens dont on parlait tout à l'heure. Ça nous donnera beaucoup plus d'informations et une synergie assez extraordinaire. Oui, voilà, les données récoltées par les deux missions vont être complémentaires. Plus de 7 ans de voyage, plus de 3 ans d'exploration. Quels sont les défis techniques d'une telle odyssée? On répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h17 sur France Culture, nous parlons de la mission JUICE avec Athéna Koustanis, Francis Rocard et Antoine Meunier. Nous venons de voir quelles étaient les grandes questions auxquelles cette mission cherche à répondre, la particularité de ce projet et de sa trajectoire. Francis Rocard, il y a de nombreux défis techniques au cours de cette mission, on peut parler d'une sonde de l'extrême. Oui, on a une sonde de l'extrême dans la mesure où on va passer par Vénus, qui est près du Soleil. Donc, les températures localement vont monter à 250 degrés. Et ensuite, on va s'éloigner à 5 fois la distance du Soleil, c'est-à-dire 600-800 millions de kilomètres. D'ailleurs, vous avez dit 600 millions de kilomètres parcourus par la sonde, c'est pas ça, vu c'est plutôt 6 milliards de kilomètres. Ah oui, merci, c'est une grosse erreur en effet. Et donc, on va être à des températures très basses. Là, et ça, c'est complexe à gérer, très chaud et très froid. Donc, ça nécessite une très très bonne isolation de la sonde avec une isolation multicouche par rapport à d'autres projets. Enfin, il y a le problème des radiations. Extrêmement difficile dans l'environnement. Il y a ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen de Jupiter, qui sont très violentes, surtout au voisinage d'Europe. Et ça nécessite de blinder tous les composants. Ça nécessite un coffre dans lequel nous mettons les électroniques les plus fragiles et de s'assurer que les détecteurs vont survivre à ces radiations. Et ça explique finalement pourquoi on ne fera que 2 survols d'Europe, parce qu'un troisième survol serait dangereux vis-à-vis de la survie des composants de JUICE. Antoine Meunier, la sonde va d'abord devoir s'adapter à des environnements thermiques extrêmes. Ça, c'est déjà un premier défi thermique, donc comme vient de le dire Francis Rocard. Il y a déjà ça, effectivement. Vous êtes d'abord soumis au passage de Vénus à une température de 250 degrés, c'est-à-dire comme pratiquement comme dans un four. On a une protection thermique qui est presque triplée, parce que vous avez 25 couches thermiques qui vont protéger, isoler de la chaleur. Sur un satellite classique, c'est plutôt de l'ordre de 7 à 10 couches thermiques, des fines couvertures qui protègent donc de la chaleur, qui isolent de la chaleur. Il faut également protéger les panneaux solaires afin qu'ils n'encaissent pas trop de chaleur. On va les orienter à peu près à 70 degrés, de sorte qu'ils encaissent aussi peu que possible de la chaleur. Et puis après, vous passez dans l'extrême inverse. Là, il va faire beaucoup plus froid à l'approche de Jupiter, moins 230, moins 240 degrés. Et puis, vous devez aussi vous protéger, comme le disait Francis Rocard à l'instant, il faut se protéger des radiations. Alors, la protection des radiations, c'est un sandwich d'aluminium, vraiment, mais c'est comme ça que les gens d'Airbus le précisent, dans lequel vous avez une couverture de plomb et qui suffit à isoler des radiations. Un sandwich, une sonde, fabriquée comme un sandwich en aluminium avec une couverture de plomb. Athéna Kousténis, on vient de l'évoquer aussi, l'autre caractéristique de cette sonde, ce sont ces panneaux solaires géants. Oui, incroyable panneau solaire, effectivement. C'est les plus gros, je pense, qu'on a fait aujourd'hui. On arrive à aller jusqu'à Jupiter. Je pense qu'un jour, on arrivera aussi à aller jusqu'à Saturne avec des panneaux solaires. Ces panneaux solaires sont effectivement notre moyen de locomotion jusqu'à là-bas. Ça nous fournit l'énergie, ça nous fournit la capacité de se déplacer pour aller jusqu'à Jupiter. C'est le fait de les voir déployés sur place à Kourou vendredi a été quand même un moment assez extraordinaire pour nous tous sur place. Une fois qu'on a eu ça, on avait tout ce qu'il nous fallait pour partir en route pour ce voyage de 7 ans et demi. Et parce qu'à cette distance, Antoine Meunier, les rendements des panneaux solaires en orbite jovienne sont beaucoup moins élevés. C'est beaucoup moins élevé. On a besoin en tout et pour tout, on aura en tout et pour tout pour faire fonctionner les instruments de la sonde, de 800 watts d'énergie. En gros, c'est l'équivalent d'un grippin. Mais ça suffit à faire fonctionner l'intégralité de la charge utile. Autre défi, c'est être en totale autonomie pour les phases critiques. Oui, mais parce que vous... On parle de grandes distances. On est à de très très grandes distances. Vous avez un délai dans les transmissions qui, je crois, de mémoire, doit être de l'ordre d'une heure, une heure et demie. Vous substituez l'email au téléphone, si je peux me permettre cette comparaison. Francis Rocard, sur cette autonomie à cette si grande et si lointaine distance. Oui, ça, vous savez, dans les missions planétaires... On est habitué à l'autonomie, on est souvent loin du soleil. Les rovers sur Mars ont besoin de vivre leur vie une journée entière sans contact avec la Terre. Donc oui, il faut être autonome. Et ça, c'est relativement bien maîtrisé maintenant, y compris par l'ESA, avec des missions comme Rosetta, qui était elle-même très loin du soleil. On a évoqué tout à l'heure, Athéna Kousténis, hein, les instruments... Embarqué à bord, on vient de parler des caractéristiques de cette sonde. Parlons maintenant d'instrumentation. Quels sont justement les instruments que la sonde embarque avec elle si, dans des distances si lointaines? Oui, effectivement. Donc, les panneaux solaires, je voulais juste signaler, ils font 85 mètres carrés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure ils sont vraiment très, très, très, très grands. Alors, on a sur JUICE, en fait, on a mis une suite d'instruments qu'on a beaucoup, on a pris le temps de réfléchir beaucoup parce qu'on veut les associer. Ce n'est pas des instruments qui sont complètement indépendants. Chacun fait ses mesures, mais en même temps, ils vont travailler ensemble pour nous permettre de faire quelques mesures qui sont assez uniques et très difficiles à faire. Donc, les instruments eux-mêmes, on a bien sûr une caméra optique qui s'appelle JANUS, un spectromètre visible et infrarouge et un imageur qui s'appelle MAGIS, dont Francis mentionnait tout à l'heure qu'il était français, du PI français. On a un spectrographe UV, imageur UVS, qui est l'instrument américain dont on parlait tout à l'heure. Et on a aussi un instrument d'onde submillimétrique qui s'appelle SWI, un radar, on en a absolument besoin, qui s'appelle RIME, un altimètre laser qui s'appelle GALA. J'avais d'ailleurs le plaisir de voir les PI de ces instruments sur place à Kourou vendredi. On était vraiment très contents de se retrouver. On a un magnétomètre absolument nécessaire dans le milieu où on va s'immerger. Et on a des instruments, des packages, en fait des paquets d'instruments qui vont étudier l'environnement de particules, de plasma aux alentours de Jupiter, et aussi une expérience radio. Donc on a beaucoup d'instruments, et quand ils vont se mettre ensemble, ils vont se combiner, ils vont s'associer, on va pouvoir faire des mesures qui vont nous permettre, par exemple, de caractériser l'océan qu'on suppose existant sous les surfaces de ces satellites, par exemple en combinant des mesures de déformation périodique de la surface dans le cas de Ganymède, aussi ce qu'on appelle un petit peu les librations, par exemple aussi avec le magnétomètre, regarder l'induction magnétique d'un océan qui, en mesurant le champ magnétique, le vecteur de champ magnétique avec le magnétomètre. Donc, en combinant plusieurs de ces instruments, celui de particules, le magnétomètre, les déformations de la surface qu'on verra avec d'autres instruments, on va pouvoir dire à quelle profondeur se trouve cet océan et quelle est son épaisseur. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'on imagine difficilement comme ça, mais on va pouvoir apporter quand même pas mal d'informations sur ce domaine-là qui est absolument essentiel pour l'habitabilité, pour les conditions d'habitabilité. Antoine Meunier, 10 instruments, 285 kilos d'instrumentation, ça aussi c'est un défi de pouvoir réunir et assembler ces 10 instruments de pointe dans une machine, dans un engin comme celui-ci. C'est un engin qui fait 6 tonnes, un peu plus de 6 tonnes. La phase de préparation de JUICE, elle a débuté dès 2012 et on a passé de cette dernière décennie à assembler, à tester les différents instruments pour voir comment ils allaient se comporter aussi pendant le lancement. Un lancement de fusée, c'est pas non plus une promenade de santé. Il faut vérifier que les instruments puissent supporter tout ça. Et on a commencé l'intégration de la sonde en 2019. À la base, on devait partir en 2022. Mais bon, le Covid, malheureusement, est passé par là. Il y a le retard d'Ariane 6 aussi, parce que il était envisagé à un moment donné que JUICE parte sur Ariane 64, qui est la version à 4 propulseurs d'appoint d'Ariane 6, mais Ariane 6, bon, pour le moment, est encore en phase de test. Donc, ça a été une très très grosse préparation. Le but de la préparation, c'est de diminuer au maximum les risques qui peuvent survenir pendant le lancement, pendant aussi toute la phase de croisière qui est longue. 8 ans, il peut effectivement se passer beaucoup de choses. Donc, on prévoit à l'avance tout ce qui est censé se passer. On prévoit la route, on a des étapes à faire, et là déjà dans son ordinateur de bord, JUICE sait exactement à quel endroit elle va passer au cours des 8 ans qui viennent. On parle de l'instrumentation à bord. Parmi les 10 instruments, on compte beaucoup sur MAGIS pour questionner l'habitabilité des lunes. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Et vous êtes allée à l'IPGP qui a contribué à l'élaboration de méthodes de détection assurées par cet instrument. Oui, MAGIS est un des instruments phares de la sonde, un spectromètre d'imagerie hyperspectrale qui devrait, à distance, cartographier les surfaces des lunes glacées. Directement inspiré du spectro-imageur VIMS de la mission Cassini-Huygens, qui, elle, a sondé le système saturnien, on s'attend avec JUICE à un niveau de précision bien plus élevé. Sébastien Rodriguez, planétologue, a travaillé sur l'adaptation de la méthode pour le système jovien. Je l'ai rejoint devant des planisphères lunaires juste avant son départ pour Kourou. Ça, c'est mon bureau. Il y a un petit globe de titan. Voilà. Il y a le soleil en peluche, il y a Mars, il y avait Jupiter, mais c'est mes enfants qui l'ont. Vous partez demain pour Kourou ? Oui, je suis très excité à cette idée-là. C'est le dernier lancement d'Ariane 5. des lancements de missions qui vont vers le système solaire lointain comme cela, il y en a à peu près un tous les 20 ans. Donc c'est véritablement un événement à l'échelle de l'humanité qui est très très très important. Alors, MAGIS, c'est un instrument hyperspectral, alors c'est un imageur, donc il prend des images. Et donc, pour chaque pixel de l'image, on va décomposer chaque pixel en une multitude de longueurs d'onde. Pour chaque pixel de l'image, on va avoir un spectre, et c'est ça qui nous donne des informations très importantes sur la composition et sur l'état de surface. Des satellites, des objets qu'on va observer dans le système de Jupiter. C'est intéressant parce qu'en expliquant le terme hyperspectral, vous avez fait le geste qui signifie la profondeur, parce qu'effectivement, donc, il y a un cube, on superpose des couches d'images qui donnent une complétion plus étoffée d'un même paysage. Exactement. On peut avoir des images qui vont faire à peu près 800 pixels sur 400 pixels. Et en termes de profondeur, alors j'ai fait ce geste et je le refais, effectivement. La profondeur, ça va être les différentes longueurs d'onde que l'on va explorer. En fait, c'est comme si on avait près de 2000 images dans 2000 couleurs différentes du même sujet. Et ça, ces couleurs différentes, toute cette brillance de ce que l'on va observer dans ces différentes longueurs d'onde, ça va nous donner énormément d'informations sur la composition. Alors, c'est une technologie, un procédé qui existait déjà avant JUICE, que vous avez pu, vous, expérimenter sur le système de Saturne, sur Encelade et Titan ? Oui, exactement. Donc, on avait exactement le même type d'instrument, alors d'une génération précédente, évidemment, beaucoup moins performant que MAGIS. Il s'appelait VIMS. Qui était embarqué sur la mission internationale Cassini. Et en quoi ce travail-là a été adapté, voire amélioré justement, pour étudier ces lunes encore plus lointaines et peut-être dans des conditions atmosphériques, magnétiques différentes? Alors, les instruments vont avoir des grandes différences techniques en termes de taille d'image, de profondeur aussi de la dimension spectrale. Donc, ça va être des images qui vont être plus complexes à manipuler. Mais globalement, le principe reste le même, puisqu'à partir d'images individuelles, l'idée, c'est de construire des cartes. Alors là, la problématique est légèrement différente sur Jupiter, puisque les satellites de glace que l'on va observer n'ont pas d'atmosphère. Mais par contre, on suppose qu'ils ont un océan d'eau liquide à l'intérieur et qui va laisser des traces à la surface. Et c'est ces traces à la surface qu'on veut détecter, qui seront autant d'indices, en fait, de la présence de ces océans liquides. Et qui dit océan d'eau liquide interne, dit potentiellement habitabilité, etc., etc. Et toutes les questions qui sont liées à la recherche de la vie ailleurs que sur Terre. Alors, on a ici obtenu l'une des meilleures images dans l'infrarouge de la surface glacée du plus gros satellite de Saturne, qui est Titan. Et on voit, en jouant avec les couleurs dans l'infrarouge, des fausses couleurs dans l'infrarouge, on voit la diversité de la surface, où chaque couleur représente une propriété particulière de la surface. C'est assez impressionnant, on dirait un tableau d'art abstrait avec des volutes, comme même un paysage crépusculaire, avec du orangé. C'est la première impression que ça nous donne, oui, c'est absolument extraordinaire. Et alors après, non seulement c'est beau, mais on peut raccrocher la science, évidemment, à cela, puisque c'est porteur, chaque couleur, chaque nuance de couleur, aussi belle soit-elle, est porteuse d'informations très très fines sur la composition, la texture de la surface, la taille des grains. Il y a des cailloux, il n'y a pas des cailloux, il y a des fractures, il n'y a pas de fractures, etc., etc. Alors, avec votre œil d'expert, est-ce qu'on pourrait essayer de décrypter ce qui, pour moi, me paraît totalement abstrait? Alors, toutes les volutes marron que vous voyez ici sont associées aux grands champs de dunes qui sont connus sur Titan depuis des années maintenant. Ce que l'on voit dans des nuances un peu violacées, ça serait plutôt associé à des enrichissements avec des particules de glace qui seraient transportées par des rivières, charriées par des pluies diluviennes, etc., etc. Donc vous voyez, on associe tout ça à des dynamiques. D'un côté, les déserts avec les vents qui sculptent les dunes. De l'autre côté, les pluies qui sculptent les surfaces et les rivières. Et puis tout ce qui est en brillant, ça serait plutôt des hauts plateaux, des plaines, des montagnes, associées à des montagnes. Et ce qui est très très sombre près du pôle Nord, ce sont des lacs et des mers d'hydrocarbures liquides. Alors évidemment, on n'aura pas cette diversité sur les lunes de glace, mais par contre, on espère avoir cette subtilité, ces couleurs, cette subtilité dans les couleurs aussi, qui nous donnera d'autres indications propres à ces mondes-là. Mais l'idée, c'est de développer des techniques de cartographie qui améliorent la sensibilité et la finesse des détails que l'on peut observer. Pour revenir sur le procédé en lui-même, c'est pas un instantané. On s'imagine qu'il y a beaucoup d'heures d'exposition, des superpositions, ouais, des Moyen-Âge. Exactement. Ça, cette carte, c'est le résultat de la superposition de plus de 20 000 images individuelles, en fait, sur lesquelles, donc, qui ont subi un traitement pour compenser des effets d'observation, d'illumination du soleil un peu différentes, qui auraient pu générer des coutures sur ces cartes. Alors, c'est la même chose que ce soit sur Titan ou sur les lunes de Jupiter. Ça sera exactement la même chose, la même problématique. Et quelles sont vos attentes, justement, sur l'adaptabilité de cette méthode à Jupiter ? Sur Jupiter, les attentes sont un peu différentes parce que les problématiques sont différentes et les questions scientifiques sont différentes. Et on va essayer d'accumuler d'autres indices à la surface. Donc on va essayer de suivre les fractures, voir si elles ont bougé depuis les dernières observations, pour voir s'il y a eu des changements de surface, voir s'il y a des remontées de matériaux, des sels, en particulier des sels de magnésium ou des sels de potassium qui pourraient remonter d'un océan, qui pourraient être un indice encore plus fort de la présence. Et ça, il faut des instruments qui permettent de mesurer la composition de façon très précise. Véritablement, cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse centrale de l'activité géologique de surface qui est en lien avec l'activité en sous-sol. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Athéna Kousténis, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Ah oui, absolument. C'est comme le dit Sébastien, on hérite de la mission Cassini-Huygens qui a été un énorme succès international dans lequel l'Europe et la France avaient énormément contribué. Une des questions primordiales, effectivement, à laquelle on a envie de répondre, c'est ces conditions d'habitabilité. L'habitabilité, comme le disait tout à l'heure Francis, on a quatre, en fait, conditions nécessaires. Il y a la présence de liquide, mais ça suffit pas. Il nous faut des nutriments, c'est-à-dire les molécules essentielles, les éléments essentiels qui viennent de la chimie organique. On a besoin de sources d'énergie qui, si loin du soleil, sont un petit peu compliquées à trouver. Ça peut être des sources d'énergie chimique, ça peut être aussi les effets de marée, ça peut être d'autres sources d'énergie, surtout quand on parle d'océans souterrains, et un environnement relativement stable pour que tout ça conduise peut-être à l'émergence de la vie sur ces satellites glacés qu'on croyait absolument pas intéressant et mort, je dirais inactif, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce qu'on découvre par exemple les geysers sur Encelade, l'océan d'eau liquide et la chimie organique sur Titan, et puis sur Europe, donc toutes les indications qu'on a au niveau de la surface, la présence d'un océan d'eau liquide très proche d'ailleurs de la surface, hein, parce que sur Europe aussi on a vu des panaches. Et puis, finalement, on se dit que tous ces mondes-là, avec Ganymède aussi, se classent en deux catégories. Il y a les satellites comme Europe et Encelade, où on voit des manifestations de cette activité au niveau de la surface, et où on pense qu'au liquide est très proche de la surface, donc où il y aurait peut-être la possibilité un jour de se poser, d'aller creuser et chercher un petit peu mieux caractériser ces océans d'eau liquide. Et puis l'autre catégorie, qui est comme pour les satellites comme Ganymède et Titan, où l'océan est piégé entre deux couches de glace plutôt épaisses. Donc, à ce moment-là, on doit trouver des moyens pour caractériser ces océans de loin de l'orbite ou avec des passages, comme ce sera le cas de Europa Clipper. Francis Rocard, une réaction, vous aussi, à ce qu'on vient d'entendre. L'intérêt d'étudier toutes ces lunes, c'est de confirmer la présence de liquide. Il faut signaler que le radar de sondage de la glace n'est pas capable de percer 30 km, qui est peut-être l'épaisseur de cette croûte. Mais il y a des arguments pour penser qu'en plus de ce océan, il y aurait des lacs proches de la surface qui, eux, seraient atteignables par les ondes radar. Et donc, c'est ça qu'on va faire sur Europe, mais peut-être aussi sur Ganymède. Et ça sera un argument très important pour confirmer la présence de liquide. Le dernier point, c'est que je voudrais mentionner que si on a fixé notre attention sur Ganymède, hormis le fait que l'environnement radiatif d'Europe est un véritable cauchemar, Ganymède présente un intérêt unique dans le système solaire, c'est que c'est la seule lune qui a un champ magnétique. Et donc, on ne comprend pas pourquoi. Et il y a donc il y aura beaucoup d'études sur les raisons pour lesquelles Ganymède et pas d'autres possèdent un champ magnétique. C'est quelque chose qui sera particulièrement étudié. Vous êtes en train d'emboîter le pas sur la suite de l'émission. Quels sont les objectifs scientifiques de JUICE? Que sait-on et qu'espère-t-on savoir avec JUICE? Restez à l'écoute. The Orioles, Come Down on Jupiter à 16h41 sur France Culture, car nous parlons des lunes de Jupiter que va explorer la sonde JUICE. Nous parlons de cette mission inédite avec nos trois invités du jour, Athéna Koustenis, astrophysicienne, directrice de recherche CNRS Olesia, impliquée dans la mission JUICE depuis ses débuts, avec Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, et avec Antoine Meunier, journaliste spécialisé dans le spatial, rédacteur en chef du site La Chronique Spatiale. Nous venons de parler des difficultés techniques de cette mission, des conditions thermiques extrêmes, de sa trajectoire. Et l'un des objectifs principaux de l'opération, c'est Ganymède, la plus grosse lune du système solaire. Vous venez de nous raconter, Francis Rocard, qu'elle avait la particularité de posséder sa propre magnétosphère. Ça aussi, on peut revenir ensemble, Athéna Koustenis, sur la particularité de cette lune glacée. Oui, tout à fait. Ganymède est effectivement la plus grande lune du système solaire. Elle est plus grande que notre propre lune et encore plus grande qu'une planète Mercure. Donc, on a eu des données de gravité en passant près de cette lune avec Juno, mais auparavant aussi avec Galileo, qui pointent vers une structure totalement différenciée qu'on a, c'est-à-dire différentes couches à l'intérieur. Et aussi à l'extérieur, on a une atmosphère très ténue, mais on a ensuite une hydrosphère, c'est-à-dire une couche liquide qui fait plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur et qui est emprisonnée entre une couche glacée sur le dessus et une couche composée de glace à haute pression en dessous. Et par la suite, vous avez vers le centre un manteau de silicate et un noyau de fer. Donc, c'est un des trois corps solides qui possède un champ magnétique intrinsèque ou une dynamo avec Mercure et la Terre dans le système solaire. Et ça, c'est très intriguant. On pense que Ganymède a effectivement son propre champ magnétique et un champ magnétique induit parce qu'il y a une couche qui agit comme un conducteur à l'intérieur et les scientifiques ont émis l'hypothèse que ce matériau conductif, c'est une couche d'eau liquide qui contiendrait aussi du sel et qui se positionnerait à 150 km en dessous de la surface, prise entre les deux couches de glace dont on parlait tout à l'heure. Donc Ganymède présente beaucoup de caractéristiques qui nous intriguent et qu'on aimerait y retourner. Mais en plus de ce qu'on trouve à l'intérieur, j'aimerais quand même signaler qu'on a, au niveau de la surface, beaucoup d'indications d'impact. C'est un archétype des mondes, vraiment, où on a des surfaces très, très éloquentes sur le fait qu'il y a eu des impacts par le passé, avec du matériau plus récent et plus ancien. Francis Rocard, Ganymède, avec sa taille proche de celle de Mars, son champ magnétique et son océan souterrain, Ganymède, c'est presque une planète en soi. Oui, c'est presque une planète. C'est plus grand que Mercure. Et voilà, c'est l'intérêt d'aller en orbite sur cette planète. D'ailleurs, c'est une grande première mondiale de JUICE. C'est le premier objet qui va se mettre en orbite autour d'une planète, puis d'une de ses lunes. Ça n'a jamais été fait. Ça va nécessiter une navigation assez complexe, mais on aura une vision de Ganymède très détaillée dans les années 2033-34. Ça va être extrêmement excitant, et d'ailleurs la mission se terminera en orbite autour de Ganymède jusqu'au crash final sur cette lune. Athéna Koustenis, pour la recherche de la vie, l'océan d'Europe aurait le plus fort potentiel. Pour quelles raisons on dit ça ? On dit ça parce que l'une des conditions étant effectivement d'avoir des sources d'énergie, une manifestation de ces sources d'énergie interne, que ce soit par effet de marée ou autre, c'est ces panaches dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voit sur Encelade par exemple, et sur Europe aussi, émanant du pôle sud. Ça a été détecté avec le télescope Hubble. On attend aussi confirmation avec la mission Juno qui est sur place, ou avec le JWST. Et c'est important parce que ça montre qu'on a une source d'énergie interne. Donc, si vous avez un océan d'eau liquide, et comme je vous le disais, là, on a des indications au niveau de la surface de cette existence d'océan d'eau liquide sur Europe, plus la source d'énergie, et potentiellement quelques organiques qui arriveraient à la surface des satellites par des impacts, par des comètes. Il ne faut pas oublier que les comètes, on pense que ça apporte quand même pas mal de matériaux organiques, que ce soit dans le système solaire interne ou externe. Si vous avez toutes ces conditions-là, la question qui se pose, c'est de savoir si les organiques ou les autres composants qu'on trouve au niveau de la surface d'Europe, par exemple, est-ce qu'ils peuvent pénétrer et à l'intérieur et se retrouver avec le liquide, cet océan d'eau liquide qu'on a à l'intérieur. Et si à ce moment-là, vous avez aussi les sources d'énergie, la question se pose effectivement. On a toutes les conditions d'habitabilité. Est-ce que la vie aurait pu émerger à l'intérieur de ces satellites ? Oui, vous parliez des quatre conditions pour l'habitabilité. Francis Rocard, ces quatre conditions pourraient être réunies sur ces lunes glacées, alors ? Ah ben ça, ça sera confirmé. C'est l'objectif de la mission de JUICE. Alors évidemment, sur Europe, les conditions seront peut-être un peu plus favorables, puisque l'océan est un peu plus proche, que l'existence des fumeurs noires, c'est-à-dire des choses sur Terre autour duquel la vie se développe, peut-être le même type de phénomène existe, avec donc de l'énergie chimique disponible pour ces éléments vivants. C'est pas impossible qu'il y ait les mêmes phénomènes qui rendent l'océan de Ganymède salé à travers de l'infiltration de matériaux venant des roches qui viendraient saler cet océan. Évidemment, si c'est un océan liquide sur Ganymède, si c'est un océan tout pur, pardon, sur Ganymède, c'est qu'il n'y a pas de vie, bien sûr. Athéna Koustenis, on parle de Ganymède, on parle d'Europe, parlons aussi un peu de Callisto. Sa surface est constellée de cratères. C'est une lune qui ressemble à une balle de golf. Pourquoi elle aussi c'est une cible intéressante ? Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est le meilleur endroit pour étudier l'histoire des impacts sur Callisto, c'est clair. Mais on ne sait pas en fait de quoi est fait l'intérieur de Callisto, parce que elle n'est peut-être pas totalement différenciée, comme je vous le disais tout à l'heure, comme pour les autres satellites où on aurait vraiment des couches bien distinctes à l'intérieur. Mais il est tout à fait possible qu'elle possède aussi une hydrosphère, un océan d'eau liquide. On ne le sait pas. Sa surface est certainement très ancienne, elle est fortement cratérisée, c'est un témoin des temps primitifs, donc ça vaut absolument la peine d'aller regarder Callisto de plus près. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on va faire un grand nombre de survols de Callisto avant d'aller sur Ganymède, où, comme Francis le disait, on va finir la vie de cette mission JUICE, j'espère pas trop tôt. J'espère quand même rester dans le système de Jupiter presque aussi longtemps peut-être que Cassini, pour aller finir effectivement en orbite circulaire autour de Ganymède et finalement aller se poser, ou se crasher plutôt, s'écraser sur Ganymède et en émettant des données jusqu'à la fin sur cette lune assez extraordinaire. Callisto, qui est donc ce témoin des temps primitifs, Francis Rocard, cette mission, c'est pas seulement le fait de sonder des lunes, voir si elles hébergent des conditions favorables à l'émergence de formes de vie, c'est aussi une mission qui va nous permettre d'affiner nos modèles de formation planétaire. Alors oui, modèle de formation planétaire, mais aussi modèle de formation des lunes autour de Jupiter. Nous avons un modèle qui est PG, je pense à Sébastien Fernandes, et dans lequel il montre que un grand nombre des lunes de Saturne, mais aussi d'Uranus et Neptune, se sont formées à partir du matériau des anneaux qui se dispersent avec le temps, et dès qu'on passe au-delà d'une limite qu'on appelle la limite de Roche, Roche étant le nom d'un astronome français, eh bien, le matériau peut s'agglomérer et les lunes se forment. Et ça marche assez bien sur Saturne, Uranus et Neptune, ça marche pas du tout sur Jupiter, parce que sur Jupiter, ces quatre grosses lunes qu'on appelle des satellites galiléens se sont placées en résonance les unes par rapport aux autres. Ça veut dire que Io fait quatre tours quand Europe en fait trois, que Ganymède en fait deux et que Callisto en fait un. Et donc, ça stabilise complètement le système et ensuite, plus rien ne bouge depuis probablement fort longtemps. Et donc, la distribution des lunes autour de Jupiter est très différente de ce qu'on observe autour des autres planètes géantes. Athéna Kousténis, on parle de ces planètes, enfin de cette planète. On peut aussi dire qu'est Jupiter, au-delà de notre voisinage. Dans quelle mesure les données recueillies par la mission JUICE vont aussi nous permettre d'en savoir plus sur les exoplanètes? Ah oui, tout à fait, parce que effectivement, Jupiter, on sait aujourd'hui que bon, on a découvert, c'est peut-être un biais, mais on a découvert beaucoup de planètes géantes dans les systèmes exoplanétaires, dont aujourd'hui on compte par milliers, donc c'est très bien. Mais c'est une catégorie assez particulière, effectivement, que ce soit les gros satellites autour de Jupiter ou Jupiter elle-même en tant que planète, nous renseignent sur justement tous les exoplanètes. Dans des catégories, pour ce qui est de Jupiter, les planètes géantes, mais pour ce qui est de ses lunes aussi, une catégorie intermédiaire d'exoplanètes sur lesquelles on pourrait effectivement imaginer que la vie aurait pu émerger, puisqu'on sait au jour d'aujourd'hui qu'effectivement, si on trouve les conditions d'habitabilité à 5 unités astronomiques ou à 10 unités astronomiques, c'est-à-dire 5 ou 10 fois plus loin de notre Soleil que la Terre, tout est possible. Les modèles ne supposaient absolument pas que l'habitabilité, la zone d'habitabilité pouvait s'étendre jusqu'au système solaire externe. Or, c'est le cas. Au jour d'aujourd'hui, on le voit. Et donc, cette étude du système de Jupiter pourra nous renseigner aussi sur les autres systèmes planétaires qu'on observe dans notre univers. On arrive à la fin de cette émission pour continuer à se projeter. Athéna Kousténis, vous l'avez évoqué, l'un des autres objectifs de cette mission, c'est d'identifier des sites d'atterrissage de futures missions d'exploration in situ. Ça, ce sont des scénarios à l'étude, le « et après ». Oui, tout à fait. C'est des scénarios d'études surtout possibles pour Ganymède ou Callisto. Comme on l'a dit tout à l'heure, le champ de radiation de Jupiter ne nous permet pas encore d'aller se poser, certainement pas sur Io avec 400 volcans, mais aussi sur Europe. Je pense qu'on a encore des études à faire avant de pouvoir poser un engin sur Europe. Mais je pense qu'à l'avenir, avec les informations qu'on aura recueillies par ces trois missions qu'on va trouver sur place, hein, Juno, JUICE et Europa Clipper, on va pouvoir dessiner une autre mission à l'avenir qui pourra aller étudier ce système avec encore plus d'acuité, avec encore plus de résolution et avec encore plus de résultats, je pense, dans la décennie suivante. Mais pour le moment, moi, j'attends qu'une chose, c'est 2031 pour être sur place avec JUICE. D'être arrivé enfin sur place. Pour conclure, Antoine Meunier, sur le « et après ». Et après, comme le dit Athéna, c'est vraiment se poser à la surface d'Europe qui, là, ça serait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Mais il faut vraiment caractériser complètement cette Lune, les deux autres aussi, Callisto et Ganymède, parce qu'on les connaît finalement assez mal sur tous les engins qui sont passés dans le système jovien. Ben, vous n'en avez que deux qui se sont mis en orbite, Galileo en 96, Juno en 2011. Et ces deux missions, puisque après, il y aura Europa Clipper, vont permettre de caractériser complètement la Lune et envisager peut-être pour la décennie suivante de s'y poser. Se poser sur Ganymède, merci de nous faire rêver, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On retourne sur Terre pour retrouver Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment. Comment certaines mesures frôlent la démesure. Toute mesure réclame pour être interprétée un modèle ou une théorie du phénomène qui est mesuré. Elle s'inscrit toujours dans une description générale du phénomène qu'elle permet de quantifier et qui seule permet de la faire parler. Elle ne se réduit donc pas à la détermination d'un nombre, mais implique toujours une loi ou un postulat préalable qui le sous-tend. Par exemple, la mesure d'une force par un dynamomètre suppose que la force est proportionnelle à l'allongement du ressort. Quant à la détermination d'une température, elle suppose que la hauteur de Mercure soit proportionnelle aux variations de température, etc. En conséquence, ce que révèle une mesure peut dépendre de la théorie à laquelle on se réfère pour l'interpréter. Par exemple, la mesure de la position d'une galaxie lointaine peut être interprétée en supposant l'espace euclidien, c'est-à-dire plat, non courbé, ou bien, au contraire, en tenant compte des courbures locales de l'espace-temps, telles que celles envisagées par la théorie de la relativité générale. La position qui sera attribuée à la galaxie ne sera pas la même dans les deux cas. Au cours de l'histoire des sciences, la mesure s'est grosso modo développée selon deux directions. D'une part, elle s'est progressivement adressée à des quantités de moins en moins perceptibles. La vitesse, qui ne nous est familière que grâce au compteur de vitesse des automobiles, est une grandeur plus abstraite que la longueur. L'accélération est encore plus abstraite que la vitesse. Le champ magnétique, la charge électrique, sont encore moins immédiatement accessibles. Et que dire du spin d'une particule ? D'autre part, la mesure s'est peu à peu éloignée des phénomènes ordinaires pour aller vers toutes sortes d'extrêmes, l'ultra-microscopique, le très vaste, l'extrêmement bref, le très lointain, l'incroyablement rare, le très chaud, l'ultra-discret. Dans chacun de ces nouveaux secteurs du monde, elle a permis d'investir des registres de phénomènes qui étaient jusqu'alors cachés ou inaccessibles. On devine que de telles mesures extrêmes ne sont possibles que par le déploiement de multiples médiations entre le phénomène lui-même et sa capture numérique. Médiations qui peuvent être très indirectes ou très subtiles. Pour mesurer la distance entre la Terre et une galaxie lointaine, on ne peut plus tabler sur le geste d'un double décimètre mis bout à bout. Pour comptabiliser une longueur qui se mesure en fractions de microns, le bon vieux pied à coulisse n'a plus guère d'utilité. Quand on montre, même à trotteuse, elles ne sont pas capables de se faire l'écho ni de la très courte durée de vie des particules instables, qui peut être de 10 puissance moins 23 secondes, ni de l'âge des étoiles ou de l'univers, ni de certaines périodes radioactives qui se trouvent être bien plus longues que l'âge de l'univers lui-même. Dans chaque cas, il faut faire appel à d'autres techniques, inventer de nouveaux stratagèmes capables de saisir des pans imperceptibles de la réalité. Il existe bel et bien un art de la mesure. C'est lui qui permet à la mesure de contredire le sens qu'on lui attribue ordinairement en allant titiller la démesure, en allant même au-delà de la démesure, si je puis dire. Expression qui se trouve avoir pour anagramme le radeau de la méduse. Mais bon, ça n'a rien à voir, enfin je ne crois pas, mais je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.